Apparemment, je suis la pépite. Ton ta gueule va niquer ta mère. Tu m'apprends rien, on est dans la street. Ton vice, on le connaît par cœur. Me faire baiser, tu m'en parques. Belle exit, tu mets ton parquet. Faut qu'à prendre tes affaires et partir. Je passe au PC, c'est le cartel. Elle m'a gueule, je suis au quartier. Elle a fait B3 et elle m'a harcèle. Forcément, je te demande de s'écarter. Je passe en dessous, tu me verras jamais sous des SP. S'il te plaît, ne me teste pas. Si t'es pas sûr de riposter. Sinon, frérot, tu m'encaisses. Tu fais l'acteur ici, y'a pas de casse. Mais sur ton jeu, c'est plus casse. Regarde pas si c'est pour rouler un. On mangera pas dans la même assiette. Toi et moi, c'est qu'un soir, y'a pas de suite. Je passe toujours même quand il faut se taire. Trop marrant quand y'a du costaud. Fils de, tu m'as trahi. Toi et moi, c'est plus pareil. Toi et moi, c'est plus pareil. Ma tête, y'a l'humilité. Bénéf, Max, Posé. Un gros jeu dans le chest. Demain, je m'encaisse. RK dans ta caisse. Faille sombre au fond de la pièce. Un gros jeu dans le chest. Demain, je m'encaisse. RK dans ta caisse. Faille sombre au fond de la pièce. J'ai pas le temps de parler de moi. J'peux faire avoir des ouvriers. J'ai pas dormi la nuit. Pas faire de me faire sourire. De toute façon, j'suis mes crash. M'en tape qui viennent barrer. J'ai pas le temps pour les clashs. Ça risque d'être devoir t'arranger. Y'a pas de plus que j'arrose tout le monde. Mon nom passe tout, c'est je rigole. Non, pas de marche arrière, on arrive en boum. Pas de marche arrière, on arrive en boum. À 21h, tu peux marcher. Le lendemain, tu reposes dans ta tombe. Il est pas né celui qui peut marcher. Je réussirai sur la tête, j'y brinque. Mon tir pour avoir la paix. Et une tir pour avoir des tasses. Fumée grise, envie sombre. Quand j'écoute mes sons, sons, sons, sons. C'est toi qui es pris pour cible. Et c'est rare que je me trompe, trompe, trompe. Hey, fils de pute, sur la balle et puis je vise le but. Trop de mal à temps de ma chute. Comme du chute, c'est que je m'en fais attitude. Ton attitude. Ouais, je préfère rester silencieux. Le seul que j'ai vu dans tes yeux m'a fait comprendre que tu voulais me voir dans les cieux. Fils de, tu m'as trahi. Toi et moi c'est plus pareil. Ma tête elle est mille. Bénef, Max, Posé. Un gros jeu dans le chest. Demain on s'encaisse. RK dans ta caisse. Faille sombre au fond de la pièce. Un gros jeu dans le chest. Demain on showcase. RK dans ta caisse. Faille sombre au fond de la pièce. J'ai pas le temps de parler de moi. J'préfère avoir des nouvelles. J'ai pas dormi la nuit. Pas peur de me faire sourire. Et de toute façon j'suis mes crash. M'en tape qui viennent barrer. J'ai pas le temps pour les crash. Ça risque de devoir raser. Eh, les vues changent mais pas l'équipe. Eh, la rue la fraise c'est dans mes clips. Ah quand même place à cut là s'il te plaît. Game over. Ouais Chibra. Ça tu comme ref. En direct du 50k là. Je te le répète encore une fois hein. Game over.